je reste enfermé chez moi. Pendant mes 2 mois de congé, en été, quand tout le monde est parti, qu'il n'y a plus de concerts et plus personne à voir, je pourrais sortir de temps en temps. Dans des vernissages ou des concerts, mais j'ai trop peur de croiser des gens. Qui me demanderait de rentrer chez moi? Qui me harcèlerait pour que je parte d'ici? Des gens comme Yann ou Louise Ellie. Alors je reste chez moi. Je m'en veux d'être aussi lâche. Le problème en restant chez moi, c'est que je n'ai plus rien à manger. Alors quand je n'ai plus rien à manger, puisque je n'ose pas sortir, je mange mes ordures. C'est pas étonnant que les gens soient déçus. Je mange mes ordures. Les gens me disent que j'ai mauvais caractère. Bah oui, enfin, tu m'étonnes. Puisque je mange mes ordures. Je n'ai pas le choix. Je mange mes ordures.